Un gros appétit, mais du mal à grossir, trop de soucis, rêve de partir par la rue, forgé, nourri par la putain de vengeance, tous détruits par l'orgueil, l'époque a changé, s'endurcit. Si t'es faibli, si on t'a battu, ciblé la vie, c'est beaucoup de vie, seule la rue comme issue, pas question de donner son cul ni de sucer, nous on baisse de succès. J'ai par la rue et le désespoir, désespéré quand j'en mes frères qui finissent au jetard. Quand je vois ses mères pleurer à chaque parloir, c'est la rue qui m'a forgé avec ses histoires. C'est dans la rue que je me suis noyé, dans la rue qu'on m'a retrouvé, dans la rue que j'ai prouvé que c'est dans mon cœur que je trouve le respect. Pour les malfaiteurs, t'as toutes les cités, pour les terroristes qui suicident par nécessité. Dealer Ousmane, c'est la rue qui risque m'assassiner. Nos frères nous ont quittés, tués par nos quartiers. On en parlait juste ce matin. On se disait ce qu'ils ont fait, mon frère, c'est pas bien, bien ou bien, bien. Comment veux-tu que ça va bien quand dans nos têtes ça va mal? Nous le mal, on prend bien, c'est pour étoile. Et mon pote Fata pour Adebil et l'armée qui sont partis d'une mort fatale. Je m'appelle Denver et je te paie. La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu a pris plus de bide d'un cul que la pute de ma rue. Pas de recul pour les exclus à l'affût de rendez-vous incongru. Où ça tue, où ça pue. Et c'est le hip, le hop, le hip. Ma bite dans le cul d'une salope avec deux capotes. La coque ouvre toutes les portes pour les chiennes qu'on foque. Qu'on saute avec des vrais seins ou en plastoc, mon un gros pote. Appétit, mais du mal à grossir, trop de soucis. Rêve de partir par la rue, forgé, nourri par la putain de vengeance, tout détruit par l'orgueil. L'époque a changé, s'endurcit. Si t'es faibli, si on t'a battu, ciblé la vie, c'est beaucoup de vie. Seule la rue comme issue, pas question de donner son cul ni de sucer. Nous on baisse de succès. A chaque fois que je suis au micro, j'oublie pas que je rappe pour mon ghetto. Le système que je perds, ça coupe couteau. En clic ou solo, toi-même tu sais qu'il y a du boulot. Tous les gars sont chauds, on passe un calvaire Apollo. On fout le flow, car pour faire place au poids lourd. Persistant comme Star, la force d'Otola. A tous les zonards qui squattent tard, roule Jean A. Stop, pas, un fort vélan, c'est le départ. Pas le zar, on couche tard, fous là. Prends ce cauchemar, tu reconnais la force de frappe d'une pêche à la Bob Sap. Face à l'avion, on se tape pour franchir les étapes. Sur album ou mixtape, du rap, on vise la tête. Forgé dans la rue, vu que mes frères ont tous grandi en garde à vue. Pire, de plus chez nous, c'est plus de tir. C'est pour nos âmes parties, Orléans à Nîmes. Nos martyrs répartis, tous antipatrices, c'est parti. Ma sympathie te hurle, ta la dalle. Rappeur prêt à tout pour le million. Mais tata pas la base, s'il y a pas de Ronaldinho. Oh, on descend les salopes en brassard. Ce soir, c'est eux les poissards. Flic sur ta tempe, clic. Par la rue forgée, interrogez-moi pour que je balance raccroché. On m'a reproché d'être étranger dans nos tranches et ça ricoche. L'état raqué dans nos poches, hyper les pointeurs de mioche. Nous aveugle avec sa torche. En gros, leur loi, on est cloche. Plus rien ne va, on s'entretue, les flics nous tirent dessus. Dans la rue, y'a peu de tissus, nombreux finissent déçus. Y'a trop de vécu, ça fait que ta pisse s'occupe. T'es tous les soirs, coquette, elle se fait baisser par le cul. On fait des écus plus que les rotules. C'est dans sa balance quand te tire dans les rotules. Poussé à bout, on meurt pour la fierté, on meurt. De l'enfance à l'âge adulte, du bonheur à un heureux. Gros appétit, mais du mal à grossir, trop de soucis. Rêve de partir par la rue, forgé, nourri par la putain de vengeance, tout détruit par l'orgueil. L'époque a changé, s'endurcit. Si t'es faibli, si on t'a battu, ciblé la vie, c'est beaucoup de vie. Seule la rue comme issue, pas question de donner son cul ni de sucer. Nous on baisse de succès. La rue nous a ouvert les portes, alors on est rentré sans perdre de temps. M'attend d'une cagoule, un 45 avec une paire de gants. L'argent chez nous on connaît pas sans aller au charbon. Même si t'aimes pas les arts, un jour ou l'autre t'as affaire au plus bon. On est né dans la rue, fais nos vies dans la rue. Par un frère de la rue, tu poucaves, t'es tué dans la rue. Donc l'échec nous félicite, nos mères attendent notre réussite. On a opté pour l'illicite, entre frères on se kiffe. Les deux frères j'ai vu revenir en s'englanter. Les deux frères j'ai vu mourir tué par un autre frère. Mère, combien de temps encore à survivre dans la rage? Combien de temps encore pour ton frère sort de leur cage? Ça parle, ça pèse pas, ça pille, ça mise pas. Comment veux-tu sortir de la merde? Ne se taise pas. Ça part, ça pèse pas, ça bille, ça mise pas. Comment veux-tu sortir de la merde pour que ne se taise pas? C'est la rue, c'est plus tu veux me faire chuter en enfer. Dans la merde, on comprend vite que sans fric t'es une merde. Comme le dit Corbeau, on a des buts sont meurtrières. Des histoires de bras trop finissent en prière funéraire. Dès la naissance, boycotter la rue, nourrir la rage. Donc on se promène armé, souvent on finit en cage. On baisse des taniques, la France qui nous a ciblé. Les Schmitt, c'est des mères qui volent pas. Nécessité, ça sent le trait dans le ghetto, mec. Si t'as balancé, là tu nous parle, ça sonne faux mec, tu te sens menacé. Caractère haineux, le béton nous écrase. Sur le cutter, faut faire cette putain de cordon lyrical. Asperger des sens qu'on peine dans la délinquance. Quel est l'enjeu pour nos vies quand la mort est délivrance? Cagoulé, ganté, qui quitte à payer leur sentence. On avance avec les causes sans penser aux conséquences. Conséquences, conséquences, conséquences.